Le comité éthiopien de souvenir du général Sim Kim Jong-il est constitué le 9 courant à Addis Abeba, alors que le 8, le comité hongrois à la mémoire du camarade Kim Jong-il à Budapest. Ils ont décidé de présenter largement à travers des médias la vie révolutionnaire sacrée et les exploits mortels du général Kim Jong-il et d'organiser significativement des cérémonies politico-culturelles comme conférences et séances de films à l'occasion du 5e anniversaire de son décès.